par un appel de syndicalistes. Après, on diffusait à environ 600 syndicalistes une feuille d'information sur le RN. Je développerai à peu près après quel type d'information on donne. Et après, vers les années 2000, on a eu un site sur Internet qu'on a créé, qui s'appelle visa.isa.org, où toutes les infos, notre travail, nos recherches apparaissent. Donc, dans notre association, elle est composée. On a à peu près des structures syndicales une centaine de structures syndicales qui adhèrent à Visa. Donc, pour nous soutenir. Et on a un certain nombre de syndicats, soit des syndicats nationaux, soit des syndicats de sections. On a la FSU, la FSU nationale, l'Union syndicale solidaire. Et on a plusieurs de ces syndicats de fédération, de la CGT, de la CFDT, de la CNTSO et le syndicat de la magistrature. Donc nous, on se donne pour but de combattre l'extrême droite sur les lieux de travail et parmi les salariés. Donc notre association Visa s'attelle à la tâche d'informer sur les dangers et le développement de l'extrême droite en France, en Europe et dans le monde, ainsi que sur les passerelles avec la droite dure. Enfin, la droite extrême, je dirais maintenant. En analysant de manière critique les propositions dites sociales de l'extrême droite, en relayant sur son site toutes les prises de position, actions des organisations syndicales contre l'extrême droite, et pas seulement, hein, je voudrais ajouter, c'est-à-dire toute initiative locale contre l'extrême droite, contre le RN, contre les identitaires au niveau local, si on a le communiqué du collectif qui est à l'initiative ou de l'organisation, de l'association, en général, on le diffuse et on le publie sur notre site. On dénonce aussi toutes les discriminations racistes, sexistes, homophobes au sein et hors des entreprises. On se fait écho de toutes les actions de solidarité avec les sans-papiers. Et on aide aussi avec des outils adaptés. On fait des formations, c'est-à-dire qu'on est sollicité par des syndicats, des organisations syndicales pour faire des formations sur ce qu'est l'extrême droite, sur comment on dénonce son programme, sur ça. En général, ça se passe dans les régions. Je sais que c'est péjoratif, province, faut pas dire province. Dans les régions, et on suscite au maximum que ceux qui demandent des formations le fassent de façon unitaire. Je voudrais dire que jusqu'à une certaine période, les organisations syndicales étaient assez frileuses sur la question de la lutte contre l'extrême droite et le Front National. Pas parce qu'ils étaient pour ou parce qu'ils pensaient que ce n'était pas important, mais se poser ce type de questions les gênait parce qu'ils se disaient « oui, mais si nous on a des militants du Front National dans nos syndicats, on n'ose pas le dire, on les exclut en catimini, mais on ne veut pas que les autres syndicats nous regardent un peu comme en chien de faïence en disant « oui, tel syndicat, il se fait plus infiltrer que d'autres, etc. » Bon, c'est quand même l'infiltration des syndicats par l'extrême droite est quand même assez minime, hein, mais elle est significative quand même. Elle nécessite quand même de les ripostes. Et puis en 2014, il y a eu une grande initiative de trois organisations syndicales nationales, la CGT, la FSU et Solidaire, qui a organisé une journée entière de formation à la Bourse du Travail, où il y avait 600 à 650 syndicalistes. Et il y avait aussi des organisations de jeunesse, l'UNL, l'UNEF et puis l'autre syndicat lycéen. Voilà, c'est pour dire que concrètement, on est pour l'unité et que maintenant, il y a eu vraiment un changement d'attitude de la part des organisations syndicales dans un sens positif. Je ne dis pas qu'avant, c'était négatif, mais ils étaient beaucoup plus ennuyés. Et il y a vraiment de prendre le taureau par les cornes et de lutter contre l'influence ou l'écoute qu'il peut y avoir dans le milieu salarié vis-à-vis de la propagande de l'extrême droite et du RN. et surtout d'être intransigeant vis-à-vis des syndicalistes qui, soit étaient infiltrés par l'extrême droite, mais maintenant ont pu être gagnés. On pourrait parler de Engelmann qui est maire à Hénin-Beaumont. Non, il n'est pas à Hénin-Beaumont, il est à Hayange. Pardon. À Hénin-Beaumont, c'est Brioua. Non, Hayange, je sais, oui, excuse-moi, parce que j'ai vu tellement qui est maire à Hayange. Et en général, ces trois organisations font le travail, y compris la CFDT, de virer quand ils repèrent des militants de l'extrême droite, du Front National ou identitaire. Je ne dis pas que ça se fait tout le temps, ça se fait systématiquement tout le temps, mais des fois ça prend du temps et des fois c'est pas facile, mais il y a une vraie volonté politique de ces syndicats de faire ce travail. Voilà, donc c'est pour ça, c'était un peu un aparté en parlant de l'unité, c'est que les journées de formation en général, soit on les fait pour des structures syndicales uniques, mais en général on suscite qu'elles soient faites de façon unitaire. Donc on a des brochures, on a eu un certain nombre de brochures, pas seulement Lumière sur Mairie Brune, on a eu Barrage Syndical. Vous pourrez voir toutes nos brochures sur notre site. Bon, il y en a qui sont épuisées. On a des affiches, donc ça fait longtemps qu'on n'en a pas ressorti, mais il y en a qui sont encore valables, même si le FN est devenu RN. Et notre principe, c'est d'être un outil. C'est pas d'essayer de phagocyter la lutte antifasciste, c'est que chacun puisse venir piocher sur notre site pour choper une phrase, un argument, une affiche. Voilà. Oui. Vas-y. Alors. Tu m'interromps quand tu veux. Oh non, mais je vous en prie, hein, c'est intéressant. Bah, par exemple, vous parliez tout à l'heure de l'infiltration de l'extrême. Enfin, tu parlais de l'infiltration des syndicats par l'extrême droite. Alors là, je lis en feuilletant un peu la brochure que tu m'as donnée avant l'émission. Par exemple, en 95 et jusqu'en là, je vois juin 96, tout ça. Le Front National, avait créé des pseudo-syndicats, notamment dans la police, dans l'administration pénitentiaire, mais aussi dans les transports, hein, comme la RATP. Est-ce que tu aurais un petit peu, est-ce que tu aurais quelque chose à énoncer par rapport à tout ça, sachant que, bon, là, on parle d'une époque un peu révolue, mais à l'époque, ça faisait partie notamment, il me semble, de la stratégie de Bruno Maigret, oui, d'infiltrer, de créer des syndicats à étiquette Front National. Oui, oui, à l'époque, donc c'était Bruno Maigret. C'est plus sur l'histoire du Front National. Toute cette démagogie nationale-sociale, je l'appellerais, pour pas dire national-socialiste, et venait plutôt des cadres de Bruno Maigret, cette idée-là. Et donc, ils ont essayé de créer des syndicats Front National. Et la riposte syndicale a été faite totalement au niveau des tribunaux et au niveau juridique. Donc, tous les syndicats n'ont pas eu le droit d'exister et ils ont dû se dissoudre et ils ont perdu cette bataille. Après, il y a eu la scission de Maigret pendant un moment donné, même quand on lisait National Hebdo, parce que nous, on lit aussi les fascistes un peu. On a, comme, si vous allez aussi sur le site de la Horde, vous pouvez voir qu'ils se documentent beaucoup. Il y a eu toute une période où ils n'avaient plus un intello, entre guillemets, parce que le fascisme, c'est aussi des intellectuels pervers. Il y a de la pensée, c'est de la pensée pervers, mais il y a de la pensée. Donc, il est important de... Et donc, on voyait vraiment qu'ils ont eu du mal, quand ils ont perdu tous ces cadres, à s'y remettre... au niveau d'avoir un véritable projet politique. Oui, c'est ceux qui avaient fondé le mouvement national républicain. Voilà, il y avait Maigret, mais il y avait aussi Franck Timmermans, ouais, Jean-Yves Le Gallou. C'est vrai que ça a pu être un petit coup d'arrêt pour eux, même si bon, après, ça ne les a pas empêchés de faire ce qu'ils ont fait en 2002 à la présidentielle. Et là, bon, aujourd'hui, avec Marine Le Pen, qui a quand même renouvelé pas mal son équipe et qui a créé un parti relativement puissant. Donc effectivement, effectivement, c'est vrai que cette équipe-là de cadre du parti a cette époque-là, avait développé une pensée qui était, comme on l'a vu, quoi, dirigée notamment par rapport au monde du travail. Et donc, c'est pour ça, il me semble, qu'ils avaient créé tous ces syndicats à étiquette FN, en se concentrant quand même essentiellement sur la police et sur l'administration pénitentiaire. Donc, ils avaient fait un choix. Oui, bien sûr, les syndicats galiens. Mais ce que je pourrais dire aussi, c'est Parce que tu parles de 2002, nous les antifascistes, à quoi on est souvent confrontés, c'est l'idée que le RN, c'est un feu de paille. Et souvent, les gens même politisés, je veux dire, ceux qui font un peu de politique et qui aiment réfléchir au projet de société, oublient très vite le danger. C'est-à-dire que parce qu'après 2002, par exemple, il y a eu d'énormes manifestations partout en France. Et après, c'est tombé comme un soufflet. Et quand il y a eu la scission Maigret, tout le monde a dit « Ouais, c'est fini, le RN est fini. » Et il est remonté. Le FN à l'époque. Ça s'appelait Front National. Oui, oui. Et maintenant, c'est... Maintenant, j'arrive à dire RN, mais avant, je disais toujours FN. Mm. Donc, le FN était... Tout le monde a pensé qu'il était dans les choux. Mais tant qu'on sera dans une politique sociale, libérale, qui exclut, le FN puis le RN auront de beaux jours devant eux, et il est primordial, et c'est pour le mouvement ouvrier, pour la gauche, pour l'extrême gauche, d'être extrêmement vigilant. Et nous, c'est cette bataille qu'on fait, c'est de faire prendre conscience aux gens pas seulement aux politiciens, mais à tout le monde, aux amis, aux voisins, aux que le RN est un danger. Oui, ça on peut le constater, et là on va passer à la partie qui concerne un peu plus le livre, qui concerne un peu plus donc le tome 3 de Lumière sur Mary Brune, parce que donc dans ce livre il y a 14 mairies qui sont traitées. Alors toutes ces mairies ne sont pas forcément contrôlées par le Rassemblement National, certaines d'entre elles le sont, mais d'autres sont classées extrême droite ou même divers droite, hein, ça on va y revenir, par le ministère de l'Intérieur, et ça ne vous empêche pas d'en parler dans le livre. Alors je vais les citer: il y a Villers-Cotterêts dans l'Aisne, il y a les 13e et 14e arrondissements de Marseille, il y a Beaucaire dans le Gard, il y a Hayange en Moselle, Hénin-Beaumont dans le Pas-de-Calais, Cogolin, Fréjus et Le Luc dans le Var, Camaret-sur-Aigue, Bolène, Orange et Le Pontet dans le Vaucluse, Mantes-la-Ville dans les Yvelines et enfin Béziers dans l'Hérault. Alors, on peut commencer par les mauvaises nouvelles, parce que on est à 4 jours du second tour des élections municipales et déjà 8 mairies dont je viens de donner le nom ont vu leur maire réélu dès le premier tour, donc maire Rassemblement National ou extrême droite, divers droite. Ces maires, ce sont Franck Briffaut, qui est à Villers-Cotterêts, Julien Sanchez qui est à Beaucaire, Fabien Engelmann qui est à Hayange, Steve Briouat qui est à Hénin-Beaumont, David Racheline qui est à Fréjus, Joris Ebrard qui est au Pontet, Philippe de Beauregard à Camaret et bien sûr Robert Ménard à Béziers. Alors le livre Lumière sur Mary Brune, il fait à peu près 213 pages, dont 56 qui sont consacrées uniquement à Béziers. Moi j'aimerais bien qu'on commence à parler de cette commune. Alors d'après ce qui est écrit donc dans le livre que j'évoque, l'action de quelqu'un comme Robert Ménard, c'est alors une augmentation considérable des effectifs de police municipaux. Alors à ce jour, d'après le dernier comptage que vous avez fait, vous, Visa, dans le livre en 2016, on a 87 postes de policiers municipaux plus 50 agents de surveillance de la voie publique avec un nouveau centre opérationnel et de surveillance qui est installé place Garibaldi et avec 70 caméras pour surveiller la ville. C'est aussi, alors on en a un petit peu parlé avant l'émission, c'est beaucoup de procédures judiciaires. Alors là, par exemple, 6 juin 2018, une défaite devant le Conseil d'État qui a annulé un arrêté qui avait été pris en juillet 2014 et qui établissait un couvre-feu pour les mineurs de moins de 13 ans non accompagnés. Et le couvre-feu, la mesure en question, envisageait des poursuites contre les parents de ces mineurs-là. On a aussi, par exemple, 5 novembre 2018, invitation d'Éric Zemmour, pour la présentation de son ouvrage « Destin français ». Il y avait la présence, par exemple, de Gilbert Collard, qui est député Rassemblement National du Gard. Et enfin, le 18 août 2019, la Feria de Béziers, qui commence le 14 août, quatre jours plus tôt, par un défilé de la Vierge, qui est suivi d'une messe célébrée dans les arènes et qui se finit par un autre défilé de la Vierge et encore une messe, cette fois-ci celle de l'Assomption, décalée de 4 jours dans la cathédrale de Saint-Nazaire. Bon, tout ça pour dire que Ménard, il met l'accent sur le sécuritaire, la police, quoi, et aussi sur la religion catholique vraiment poussée à son paroxysme. Alors, pour s'opposer à lui sur place, d'après ce que moi j'ai vu, on a par exemple la Ligue des droits de l'homme, la LDH, mais aussi Visa 34, avec des militants et militantes antifascistes de divers horizons. Alors, est-ce que toi, du coup, Jean-Paul, est-ce que tu sais si ces groupes, ils arrivent vraiment localement à contrer Ménard, sachant qu'il a quand même été réélu, même si il y a quand même des... J'ai pas vu bien le taux d'abstention dans cette commune. Le taux d'abstention pour les municipales en France, il est assez fort, ça c'est clair, mais à Béziers, il a en tout cas été réélu avec 68,74% au premier tour des municipales. Donc, alors est-ce que des groupes comme la LDH ou Visa 34 arrivent vraiment à s'opposer à ce maire-là, Jean-Paul ? Oui, au niveau des élections, nous on a fait une analyse des élections qui est sur notre site. On s'est demandé si les militants du Rassemblement National avaient eu plus peur du confinement que les autres. Parce que, bon, il y a beaucoup au premier tour, mais dans d'autres, les résultats sont plus mitigés. Mais c'est quand même pas l'effondrement et on a encore beaucoup à s'inquiéter, y compris avec ce qui risque de se passer aussi dimanche à Perpignan avec l'UALIO. Donc, à Béziers, il est passé au premier tour et ça montre bien... qu'on ne s'en débarrasse pas comme ça du RN, une fois qu'il est au pouvoir. Ça, c'est la première leçon. À Orange, c'est pareil. Le maire d'Orange est... Qui n'est pas Rassemblement National, Jacques Bompard. Mais avec la droite, avec oui, l'extrême droite. Oui, il est classé extrême droite et il a prouvé... Il y a la Ligue du Midi. Oui. Donc, Ligue du Midi, on appelle ça, c'est des partis crypto-fascistes ou fascistes. Ça ne veut pas dire que... Ils sont fascistes. Parlez bien en face de votre micro, s'il vous plaît, sinon vous entendez mal. C'est des partis, pour nous, on les contrôle fascisme et on pense que ces partis sont très proches de l'idéologie fasciste. Et s'ils étaient au pouvoir, on aurait vraiment de la grande malchance que de se retrouver dans un état pour le moins autoritaire, pour ne pas dire fasciste. Donc, oui, c'est à Bompard, il est resté 20 ans. Là, il est en difficulté. Et là, Béziers, c'est des villes quand même assez particulières, dans le sens qu'il n'y a plus beaucoup sociologiquement, il n'y a plus beaucoup d'usines, il n'y a pas beaucoup de salariés, il y a seulement des fonctionnaires. Et puis, il y a les relégués autour de la ville qui sont originaires de l'immigration, soit maghrébine, soit africaine. Et on a dans la ville un certain nombre de retraités, de la classe un peu moyenne. Enfin, il y a longtemps, on aurait dit petite bourgeoise. Et des personnes âgées vers lesquelles s'adresse d'une façon très, très démagogique Ménard. Visa est très à l'écoute de ça et aussi de la politique de Ménard. Il y a eu quand même dès le début une première association Rassemblement Citoyen, puis après un comité anti-discrimination qui s'appelait le CAID. Après, le Visa a été créé. Bon, elle a été créée avec un certain nombre de syndicalistes et aussi de citoyens de la ville. Ils ont, je pense, leur première action qui est un petit peu originale par rapport à ce que fait Visa, ça a été d'aller voir un peu le budget. Parce que tout le monde a le droit de rentrer dans une... Parle vraiment parce bien que en tout le monde micro. A le droit de rentrer dans une municipalité et d'aller contrôler le budget. C'est un droit. Et donc, ils sont aperçus de ce que tu disais sur le chapitre très fort des attaques juridiques, la défense juridique. C'est-à-dire que Ménard, il préfère... préfère renvoyer quelqu'un, payer le prud'homme. Bon, maintenant, en plus, avec la loi travail, ça coûte moins cher. Oui. Il a insulté plusieurs fois des gens, soit des syndicalistes. Donc, il est mis en diffamation. Après, il va en jugement. Et aussi, ce qui grève... Alors, c'est beaucoup de dizaines de milliers d'euros. Je les dirai, je n'ai pas les chiffres. Mais ce que le camarade qui bosse à Béziers m'a dit aussi qu'il communique énormément. C'est-à-dire qu'il communique avec un journal avec un journal de 32 pages tous les 15 jours, où c'est absolument hallucinant, faut le voir. Bon, il peut faire une première page où il dit dorénavant on va prendre l'ADN des chiens pour, oui, je m'en voilà, souviens, toutes, ouais. Toutes ces choses-là. Et pas seulement, il a fait une grande campagne d'affichage quand il a fourni des pistolets aux policiers. Oui, oui, oui. Donc, c'était désormais voilà. La ville a un nouvel ami ou quelque chose comme ça. Oui, c'est le je ne connais rien en armes, mais P38, je ne sais pas. Ouais. Ouais. Voilà. Donc, Visa est présent pas mal là-dessus. C'est-à-dire que les mairies RN, c'est un peu partout, un peu la même situation. C'est-à-dire, on essaye de baisser les impôts, donc on rogne sur toutes les subventions. De tout ce qui est social. Ça peut aller de l'aide aux devoirs, de la maison pour tous, où il y a de l'aide scolaire. Mmh. Ça peut être aussi pour les sports qu'on ne supporte pas, parce que c'est des sports qui sont plus pratiqués par des Maghrébins ou des Africains. Hein, donc, c'est souvent le foot en salle, etc. Et puis, on augmente les prix de la cantine. On fait un flicage sur ceux qui ne payent pas sans tenir compte de leur situation économique. Voilà, et au CCAS, on demande un contrôle très très fort. Le CCAS, c'est les... Centre communal d'action sociale. Voilà, donc on demande un contrôle très très fort pour donner moins d'argent. Et voilà, donc ça fait déjà bien baisser les dépenses communales. Et la priorité, c'est le sécuritaire, c'est ce que tu viens de dire, beaucoup de policiers, etc. Des caméras, voilà. Et donc, pour ce visa de Béziers, tout leur boulot, c'est de suivre vraiment le maire à la trace. C'est-à-dire avec des articles qui paraissent dans le Midi Libre. Et souvent, le maire répond pas mal à Visa, qui a une intervention très originale sur cette ville. Peut-être moins syndicale, mais très originale, parce qu'elle nous donne énormément de billes. Donc, ils ont fait deux fois un 4 pages. Mais ils travaillent aussi avec les syndicalistes, puisqu'il y a un syndicaliste... avec les syndicalistes des communaux, des personnels municipaux, puisque quand il y a une mairie RN qui arrive... Qui prend une ville, en général, c'est les premiers qui sont en ligne de mire. On enlève les primes, on augmente le temps de travail, oui, le temps oui. de travail, pardon, etc. Oui, oui. Je vais vous lire le il y a une déclaration, une, seconde, oui, une bah, toute si. Petite seconde. Je pense et juste après je te laisse réembrayer. Je pense que ce serait peut-être bien que tu changes de micro parce que à chaque fois je suis obligé de te reprendre. Ah c'est parce que je bouge moi. Là. Oui mais c'est normal ça. Mais le problème c'est que tu es dans une position qui fait que tu me tournes presque le dos et voilà. Ah, là pour nos auditeurs et auditrices le point technique il est peut-être un peu pénible mais on est peut-être obligé. Mais on m'entendait quand même. Ah oui ça on t'entend bien mais je suis obligé de pousser le curseur à fond. Alors là il me semble que tu vois bien. Là, c'est bon. Je pense que tu peux embrayer sur ce que tu voulais, aborder, Jean-Paul. Je te laisse. Oui, sur qu'est-ce que ça veut dire pour des salariés, des personnels municipaux, pour l'action sociale, quand une mairie passe au RN, ça dédouane absolument pas les mairies de droite qui font aussi une politique grave. Et même, bon, il arrive aussi certaines mairies de gauche hein, au niveau social. Hein, il ne s'agit pas de ça. Mais il s'agit de dire qu'il y a un palier, un palier supplémentaire qui est passé. Et la déclaration de Yvan Vialette, délégué CGT des employés de la mairie de Béziers, est significatif. Je pensais qu'avec l'ancien maire, avoir touché le fond de la piscine, mais Robert Ménard m'a prouvé que l'on pouvait encore creuser profondément. Cela se caractérise par une gestion erratique conduite au gré des humeurs du maire. C'est ainsi qu'en 2 ans et demi, on en est au 6e organigramme général et je crois au 26e organigramme des services. Il y a aussi une grande instabilité au niveau du personnel d'encadrement, y compris ceux qu'il a recrutés lui-même. Enfin, il y a de la violence dans les rapports humains avec un management d'un autre temps. Il y a une image tronquée des agents qui considèrent comme des tirs à flanc, que Ménard considère comme des tirs au flanc, pardon. Il met en avant la montée inquiétante de l'absentéisme sans imaginer un instant que sa gestion humaine puisse en être la cause. Voilà. Donc, je crois que c'est dans les lumières, mais c'est peut-être parce qu'on en a fait paraître 3, donc peut-être c'est dans un précédent, peut-être dans celui-là, je ne sais pas. Donc voilà ce qu'on fait vraiment quand on a un collectif visa, c'est d'être. Parce que pour faire les lumières, par exemple, on fait beaucoup de revues de presse, mais on met le haut-parleur aussi par rapport à des informations qu'on nous envoie. Alors quand on a un collectif local, bon pour l'instant on en a que 3, mais on en a dans le 29, je crois, c'est quoi en Bretagne, je crois, c'est les côtes d'Armor, je crois. Je pourrais pas te répondre. Oui, ou le Finistère, je crois. Mmh. Oui, on en a dans le 29, il va pas être content le copain, pas très bon en géographie, on en a à Béziers, on en a aussi à Marseille. Oui. Donc, tous les visas essaient de travailler aussi en adéquation avec d'autres initiatives qui ne sont pas obligatoirement des initiatives syndicales. Mmh. Bon, là, ce qui s'est passé avec Mohamed Gabzi juste avant le confinement, pendant le confinement, la personne est une personne sans domicile fixe ou au moins marginale, je pense, parce qu'il avait une femme, des enfants, mais il n'allait pas très bien. Ils l'ont arrêté, ils l'ont mis dans la voiture et il semblerait qu'il est décédé lié à encore des pressions sur son dos. Bon, l'enquête dira ce qu'elle doit dire. Hein. Mais bon, c'est quand même... est-ce que quand on est arrêté, on doit finir à la morgue? Ça pose beaucoup de questions et ça vient en résonance avec ce qui se passe actuellement. Donc, il y a un collectif de la famille qui travaille aussi sur cette probable ou peut-être bavure qui s'est passée à Béziers, vu l'image et le but politique que Ménard a donné à sa police municipale, c'est quand même quelque part tous les droits, quoi. C'est pas étonnant, ça aurait pu ne pas avoir lieu, mais c'est quand même... C'est quand même très significatif qu'il y a eu cet incident et cette mort il y a maintenant 2 mois. Ok, alors là, on va changer un petit peu de commune. On va aller à Mantes-la-Ville. Mantes-la-Ville, parce que donc, là-bas, il y a un maire, donc Rassemblement National, qui s'appelle Cyril Nôte. Cyril Nôte qui, il n'a pas été réélu dès le premier tour comme Ménard, mais il a quand même, alors là ça remonte au 23 septembre 2018, il a organisé alors une fête du drapeau avec Marine Le Pen elle-même, et je crois même que c'est Marine Le Pen qui l'a organisé toute seule, qui n'a pas eu besoin de son maire local. Alors elle, ce qu'elle a expliqué quand elle est allée là-bas, donc Mantes-la-Ville, rappelle, c'est dans les Yvelines, elle a expliqué que les habitants se félicitaient de la gestion des villes qui était dirigé par le RN. Et alors, d'après ce que j'ai pu lire du coup dans le tome 3 de Lumière sur Mairie Brune, Cyril Nôte, ça on parlait des baisses de coûts de fonctionnement pour tel ou tel service de la part des maires RN. Alors lui, il en a profité pour augmenter son indemnité de maire, 7% en juin 2017. Et alors, ce qu'il ferait du coup avec ses indemnités et de conseiller régional et d'élus à la communauté urbaine du Grand Paris Seine-et-Oise, un total de 7 350 € mensuels bruts. Alors, pour aller un petit peu avec tout ça, lui, ce qu'il cherche, c'est à renforcer la vidéosurveillance des espaces publics et appliquer une réduction des subventions pour le CCAS, dont tu parlais tout à l'heure, le Centre communal d'action sociale, et aussi pour le club de football de Mantes. Et il y a aussi peut-être dans les cartons une suppression d'aide pour des structures comme les missions locales pour l'emploi ou les conseils de la vie sociale. Alors, donc dans cette ville, tu disais que Visa ne s'accordait pas forcément uniquement qu'avec des syndicalistes. Dans cette ville, il y a un collectif de réflexion et d'initiatives citoyennes qui s'est mis en place. Ce que fait ce collectif, le CRIC, collectif de réflexion et d'initiative citoyenne, par exemple, lui, il s'accorde avec Attaque Nord 78 ou avec une librairie qui s'appelle La Nouvelle Réserve, qui est située à Limay. Et par exemple, le jeudi 7 février 2019, il y a eu la présentation d'un livre qui s'appelle Les laboratoires de la haine, enquête sur la face cachée du frontisme municipal, qui a été écrit par Hassan Belmessous. Quelques jours plus tard, le 13 mars, il y a eu cette fois-ci la présentation du livre « La possibilité du fascisme » d'Hugo Paletta. Alors, du côté de Mantes, il y a une riposte qui peut paraître quand même prometteuse, ou en tout cas, elle a le mérite d'exister. Est-ce que vous, Visa, vous entretenez quand même quelques liens avec ce conseil, ce CRIC, collectif de réflexion et d'initiative citoyenne, avec Attaque Nord 78, est-ce que vous faites des travaux en commun, vous, collectif Visa? Non, je pense que c'est sur le tome 3. C'est-à-dire là, c'est aussi notre travail d'information et de haut-parleur par rapport à ce qui se passe dans les municipalités et les ripostes, pour que les gens se sentent moins seuls, qu'ils puissent aller sur le site, voir ce qui se passe et aussi constater, comme nous le constatons, la question de... C'est un peu partout les mêmes politiques. Voilà. Par contre, à Mantes, on a fait une initiative. Il y a eu une initiative intersyndicale autour de l'éducation nationale, je crois en 2017, je ne sais plus quand, où il y avait à la fois Solidaire Éducation, la FSU, la CGT, qui a réuni quand même une 150 personnes. Alors, je crois que ça s'est fait à Mantes-la-Ville. Je ne sais pas si c'était à Mantes-la-Jolie, mais enfin, c'est... Et il y avait un instituteur, je crois que c'était un instituteur ou un professeur des collèges, oui, on va dire, de Mantes, qui était aussi à l'initiative. On peut parler dans la lutte contre l'ERN, parce que on se bat contre le FN, contre les fascistes, je ne sais plus quoi dire. Donc, on se bat contre leurs idéologies, leurs idées, leur offensive donc idéologique, leur soutien, les gens qui les caressent dans le sens du poil, la droite extrême, etc. Et sur la question de l'école, il y a un vrai problème idéologique où même si les gens sont pas au FN, il y a une vraie offensive très réactionnaire sur l'école actuellement. Donc c'est pas un hasard si par exemple Ménard voulait remettre des blouses grises aux enfants, qui soutient des écoles où on fait le lever du drapeau, etc. Donc ce qui était très intéressant dans cette... je ne sais pas s'il y a des émissions sur la pédagogie, peut-être, ou il doit y en avoir, à la Fédération anarchiste, enfin, à Radio Libertaire, pardon. C'est vraiment... il y a une offensive actuellement. Vous n'avez qu'à regarder la télé, on apprend les infos, les journalistes, on n'apprend plus rien à l'école, il n'y a plus de respect du maître, etc. Ça, etc. Et donc, pendant une journée, c'était vraiment très, très intéressant. Ah, je vois très bien de qui vous parlez, c'est Grégory Chambal, l'enseignant en question. Voilà. Il a écrit un livre aux éditions Libertalia qui s'appelle L'école des républicains. Je l'ai lu, j'ai lu donc en partie, bien foutu. On a travaillé là-dessus, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire qu'un prof qui dit oui, c'est plus comme avant, les écoles, les élèves ne m'écoutent pas, on ne va pas le traiter de fasciste, mais il y a des gens qui vont utiliser le mal-être lié à ces conditions de travail pour l'entraîner dans une idéologie de ce qu'on appelle la pédagogie noire, hein, la pédagogie du coup de bâton. Alors, c'est plus le coup de bâton, mais c'est la pression sur les jeunes, la culpabilisation des jeunes, ne pas tenir compte qu'ils sont des êtres humains et que ce n'est pas des petits animaux adressés, etc. Mmh. Donc, il y a eu tout, avec des pédagogues, etc., et aussi avec Grégory Chamba, qui était très à l'initiative de ça, qui bosse à Mantes-la-Jolie. Donc, oui, à Mantes-la-Ville, voilà. Je crois, Mantes-la-Ville, d'ailleurs. Mantes-la-Ville, il me semble, hein, oui, était vraiment à l'initiative. Oui. Et donc, on a fait une formation là-dessus qui était très, très intéressante et très pertinente. C'est-à-dire que Ralph Ron disait, leurs avancées sont faites de nos reculs. Mmh. Et il ne faut pas seulement être en défense et en résistance par rapport au RN. Il faut défendre aussi au FN, au RN, au fascisme. Il faut aussi défendre nos valeurs, y compris être dans la contre-offensive. Voilà. Donc, je ne sais pas si c'était dans le sujet. Mais, non, oui, ouais. Complètement. Je suis vraiment désolé, je suis encore obligé de faire un tout petit point sur la technique. Ouais. Les micros ici, ils sont unidirectionnels. Ouais, okay, ils sont, voilà, je sais que c'est un peu pénible, mais je suis obligé parce que j'ai peur que les auditeurs et les auditrices ne nous entendent pas. Alors, je voulais réembrayer parce que tu parlais de Grégory Chamba, hein, donc lui qui est sur Mantes-la-Ville. Hein, moi, en tout cas, si mes infos sont bonnes, c'est quelqu'un, peut-être qui nous écoute actuellement, je n'en sais rien, peut-être que certains de nos auditeurs et auditrices le connaissent. Pour moi, c'est quelqu'un, effectivement, que j'aimerais bien éventuellement rencontrer par rapport à ce qu'il fait en tant qu'enseignant, parce que c'est vrai que ce que tu décris là, hein, donc ce qu'on appelle le déclinisme, hein, par rapport à l'école, c'est-à-dire l'idée qu'il y aurait une décadence et qu'il faudrait reprendre en main tout ça de façon très musclée et en quelque sorte militariser l'école, effectivement, ça, c'est dans l'air du temps. Alors, actuellement, le ministre de l'éducation, c'est Blanquer. Lui, on voit qu'il gère un peu les choses freestyle. Mais c'est vrai qu'il n'est pas du tout hostile à ce genre d'idées, réintroduire ce qu'ils appellent l'autorité du maître, l'autorité à l'école, la hiérarchie, tout ça. C'est vrai que ça, c'est bien leur domaine. Alors, je voudrais maintenant qu'on migre un petit peu, on va changer de ville, hein. On a parlé de Béziers, on a parlé de Mantes-la-Ville. Cette fois-ci, j'aimerais qu'on aille du côté des 13 et 14e arrondissements de Marseille, donc le 7e secteur municipal. Alors, dans ce secteur-là, c'était Stéphane Ravier, hein, qui avait été élu en 2014 maire, mais le 29 septembre 2017, il a été remplacé du coup par Sandrine D'Angio parce qu'il est devenu sénateur et je sais pas s'il peut le faire encore, mais en tout cas en devenant sénateur, il a quitté le poste de maire des 13 et 14e arrondissement de Marseille. Oui. On va faire les deux. Pourtant, c'est quelqu'un qui continue d'être actif, et pareil là, si on en croit ce qui est écrit dans Lumière sur Mairie Brune, le 27 février de l'année dernière, il a tenté d'organiser une conférence de presse dans le quartier Saint-Just pour alors convaincre des gens qui occupaient des locaux appartenant au diocèse de Marseille. Le but était de les convaincre de retourner dans leur pays d'origine. Sur ce terrain-là, il a été contré par un collectif qui s'appelle le collectif Migrants 13, il y a 4 jours de ça, hein, donc samedi dernier, a manifesté pour la régularisation des sans-papiers. L'année dernière, le 19 avril, il a, comme Robert Ménard à Béziers, hein, il a reçu au Palais des Congrès de Marseille-Chanot Éric Zemmour. Et là, pareil, donc dans le livre, vous affirmez qu'il y aura eu entre 500 et 600 personnes qui seraient venues assister à ce débat. Alors, 6 mois plus tard, conseil des 13 et 14e arrondissements de Marseille. Et là aussi, donc, les dépenses de Stéphane Ravier en matière par rapport à ses vœux, hein, frais de vœux 2016, apparemment, selon Libération, 100 000 euros hein, pour cet événement, alors que 2 ans avant, il avait fait campagne par rapport à la mauvaise utilisation de l'argent public. Ça ne l'a pas empêché hein, de dépenser plus de 10 000 euros pour le son et la lumière, 7 000 euros pour la diffusion en direct vidéo. Alors, pour finir tout ça, est-ce que vous décrivez ces champagnes, tapis rouges et interprétations d'une chanson de Johnny? Bon, et pourtant, dans le même temps, Ravier, il refuse d'augmenter augmenté des subventions pour les centres sociaux, hein, comme Malpassé, Terre culturelle. Et par rapport au logement, sa politique, il l'a expliqué en conseil d'arrondissement le 29 novembre dernier, c'est, je cite, hein, « lutter contre la vermine, la racaille et le grand remplacement, augmenter, je vous jure que c'est vrai, hein, augmenter le taux de natalité des Françaises et rétablir l'ordre en maintenant une présence policière permanente dans les quartiers nord. » Voilà, ça c'est sa politique urbaine. Alors sur Marseille, on en a un petit peu parlé avant l'émission, hein, il y a un collectif qui s'appelle Marseille 13 contre l'extrême droite, qui depuis mai 2014, donc bah, depuis le moment où, a été, où est arrivé Ravier dans cette municipalité, ce collectif rassemble des syndicats comme la CGT, FSU, Solidaire, des associations comme la LDH, le Rap ou Éducation sans frontières. Alors, sur votre site, du coup, Visa, vous avez relayé la charte constitutive de ce collectif. Alors, moi, la question que je me pose, est-ce que sur le terrain, du coup, on a parlé de la manifestation de samedi dernier, mais est-ce qu'il y a d'autres actions concrètes qui peuvent se mettre en œuvre, sachant là aussi hein, que les syndicats que je viens de citer sont membres du collectif Visa, Jean-Paul ? Oui, il y a d'autres actions concrètes. Je sais qu'il y a deux, trois ans, il y avait aussi 6 heures contre l'extrême droite. Les dispositifs unitaires, soit Visa est à l'initiative, soit je pense que pour la manifestation là contre l'action raciste anti-réfugiés là de Ravier, je pense que Visa était sans doute partie prenante, même si c'était pas elle qui a commencé l'initiative. Il y a aussi la question des bastions sociales. Oui. Voilà. Oui. Donc, qui n'existe plus à Marseille. Hein, oui. Qui a été, donc il y a eu des manifestations contre le bastion social. C'est toujours dans des collectifs d'associations. Dans des structures unitaires que Visa soit est à l'initiative, soit s'intègre pour toutes ces questions. Alors, en relais aussi avec ceux qui portent aussi la contestation et l'opposition au conseil municipal aussi. Mais j'ajouterais que Visa est totalement indépendant et souvent ce qui se pose comme question par rapport aux mairies RN, c'est la question... légitime, les gens ils disent on va virer le maire d'extrême droite aux prochaines élections, mais il y a aussi un certain nombre de passé qui est fait des fois de fautes des partis qui étaient au pouvoir, qui est fait des fois aussi d'attitudes assez sectaires. Et puis, faut pas croire quand le RN arrive au pouvoir ou l'extrême droite arrive au pouvoir, faut pas croire que les gens, c'est si simple qu'ils s'unissent. Parce que souvent, on cherche les responsabilités de chacun. Il y a un moment donné où il y a un moment donné de latence. Et les associations, elles prennent le relais, mais elles ont toujours aussi peur d'être récupérées par rapport à un programme municipal de la mairie. Oui. Même si les associations peuvent, à des moments donnés, prendre position quand il faut battre l'extrême droite et quand il y a peut-être une alternative de gauche, associative, etc. Donc, c'est pas toujours facile. Nous, de notre place à Visa, comme on travaille avec les syndicats, des fois, on peut être plus moteur pour que chacun mette ses divergences dans la poche quand il y a une réunion unitaire, y compris sur tout l'échiquier antifasciste. C'est-à-dire qu'on peut avoir des... On peut être avec des gens assez radicaux. On parle des antifas sur l'antifascisme. Et des fois, avoir des gens plus des démocrates humanistes qui ne sont pas obligatoires dans une même action. Par exemple, sur les bastions sociales, dans toutes les villes... En général, les contre-offensives, elles sont très, très unitaires. Ça va même jusqu'au PS. Parce que oui. il faut dire que quand on est dans une ville FNRN, et ben on essaye de regarder autour de soi avec qui on peut au moins dire bonjour. Oui, et puis voilà. On n'a pas forcément beaucoup le choix non plus. Voilà. Donc tu te retrouves chez un commerçant, je ne vais pas citer de profession parce qu'il n'y a pas plus de fascistes chez les boulangers ou les bouchers, etc. Mais tu te retrouves chez un commerçant, tu prends dans la figure une saloperie raciste. Des fois, tu es peut-être content que la personne très modérée du PS, elle réagisse avec toi, quoi. Bien sûr. Les choses. Ça ne veut pas dire je pense que ça, c'est pas Visa, mais parce que Visa, on a un consensus. Il y a des sujets avec lesquels on tranche pas. Mais dans l'antifascisme, l'idée, c'est quand même marcher séparément et frapper ensemble, quoi. Parce que ça nous paraît important. Mais nous, dans Visa, il y a un certain nombre de sujets sur lesquels on ne prend pas de position. Par exemple, sur le vote, on est très proche de ce qui a été fait par les différents syndicats, pas une voix pour le FN, etc. On ne prend pas position sur d'autres questions, sur la laïcité. Mais ça ne veut pas dire que si, par exemple, par rapport à la manif contre l'islamophobie, on était pour y aller. D'accord. Mais disons, on ne va pas faire des grandes polémiques ou des grands débats là-dessus. Je ne suis pas sûr qu'on ait le temps en plus. Voilà, mais ce n'est pas pour le faire ici, mais je veux dire, c'est pour montrer comment on fonctionne dans le consensuel. Ouais. Mais avec des valeurs importantes. C'est-à-dire que leurs avancées sont faites de nos reculs. Mm-hmm. Ça veut dire que concrètement, on soutient les actions pour les réfugiés, on est contre la discrimination, on envoie tous les communiqués du comité Adama ou des syndicats qui ont soutenu les manifs contre les violences policières, on les publie, etc. Quoi. D'accord. On n'est pas sur un antifascisme soft, mais on n'est pas sur un antifascisme où on va prendre des positions. On n'est pas un parti, quoi. Voilà, le résumé, quoi. Vous êtes presque une plateforme, si on peut dire. Voilà. Donc, oui. C'est intéressant aussi de parler un petit peu de ça, parce que Mais vas-y, je te laisse continuer sur les... J'ai un tout petit trou de mémoire. On était sur Marseille. Ouais, ouais. On disait que voilà, il y a eu pas mal d'initiatives dont Visa était l'initiative, mais il y a d'autres où on se rattache aux initiatives. Voilà, on n'est pas. Moi, je dis toujours, moi, je suis à Visa, mais je soutiens pas une équipe de foot, quoi. C'est-à-dire que voilà, c'est ça qui est agréable de militer à Visa, c'est que. On est content de ce qu'on fait, d'être connu, bien sûr. Il n'y a pas que de l'altruisme dans le militantisme. On est content quand ça marche. Mais c'est pas mettre une étiquette ou récupérer, etc. à chaque fois qu'on fait quelque chose, quoi. Je vois ce que tu veux dire, quoi. Vous restez quand même... vous essayez d'être le plus efficace possible. Vous relayez ce qu'il y a à relayer. C'est sûr, c'est intéressant. Quelle heure est-il là? Il est 17h50. Donc là, on a encore 2-3 communes à traiter. Hein, sachant que voilà, moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est un panorama le plus complet possible. En fait, en me fiant au nombre... c'est peut-être un peu arbitraire, mais je vais expliquer pourquoi j'ai fait ça. En fait, j'ai pris dans le livre les communes en partant de celles dont vous parlez, dont vous consacrez le plus de pages. Et après, j'ai fait un ordre et j'ai calculé ça pour que ça dure, parce que notre émission a duré 1h30. Là, il est 17h50, on a commencé à 17h. Donc vraisemblablement, on finira sur les coups de 18h30, un petit peu avant pour laisser la place à l'émission suivante. Bon, donc tout ça pour dire que là, on va aller par exemple... à Beaucaire. Alors à Beaucaire, on en a parlé un petit peu, hein, le maire Julien Sanchez, alors lui, il fait quelque chose qui est assez facile dans sa région, même si ça, c'est peut-être un peu en voie d'extinction, mais j'en suis pas sûr. Lui, ce qu'il fait, c'est qu'il mobilise alors ceux qui sont attachés à la mémoire des pieds noirs. Alors par exemple, ce qu'il a fait, c'est qu'il a débaptisé la rue du 19 mars 62. Hein, cette date, c'est officiellement la fin de la guerre d'Algérie. Sauf que dans la mémoire pied noir, c'est pas tout à fait ça, parce que lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a renommé cette rue, rue du 5 juillet 62, non pas par rapport à l'indépendance algérienne, mais par rapport à ce qui s'est passé à Oran ce jour-là, où il y a des Européens qui ont été attaqués par les unités de la LN. Et alors, son idée à lui, et c'est là que ces gens-là ont une vision de l'histoire assez curieuse, c'est que lui, il a fait ça, dit-il, pour rendre hommage aux victimes des attentats de novembre 2015. Dans le même temps, il a coupé les subventions à la Maison du Vivre Ensemble, hein, qui était utilisée notamment pour l'aide aux devoirs, hein, t'en parlais en début d'émission. Il refuse aussi de financer un dispositif qui s'appelle Enseignement de langue et de culture d'origine. Alors, parce que d'après lui, les enseignants qui s'occupent de ce dispositif sont pour beaucoup originaires du Maroc. Et pour Julien Sanchez, le Maroc est un pays pourvoyeur de terroristes. Bon, et pour finir, il a rendu payante la garderie du soir dans les écoles maternelles et primaires à hauteur de 3 euros par semaine. Et alors, là, on voit aussi, pareil, comment est-ce que l'argent public est géré chez ces gens-là. Entre le 1er octobre 2017 et le 31 mars 2018, il a apparemment versé des sommes à un certain Elias Atala, qui dans le même temps occupait un poste à temps complet d'inspecteur d'arrondissement à Montréal. Donc il a donné de l'argent à quelqu'un qui travaillait vraisemblablement par télétravail, mais qui dans le même temps occupait un autre emploi à temps plein de l'autre côté de l'Atlantique. Sur Beaucaire, l'action, hein, contre Julien Sanchez et le RN, elle est animée par un rassemblement citoyen de Beaucaire, qui organise, hein, donc des cafés débats, hein, qui traitent des mouvements identitaires comme le Carrefour de l'Horloge, hein, par exemple, qui organise des manifestations contre le Rassemblement National, ou alors, on en a parlé tout à l'heure, des rencontres, hein, par exemple, bah, là pareil avec Hassan Belmessous pour la présentation du livre qu'on a évoqué, à savoir Les Laboratoires de la Haine, enquête sur la face cachée du frontisme municipal. Et là, j'ai envie de vous poser la même question que pour Mantes et pour Béziers: est-ce que vous, Visa, vous communiquez avec les personnes de ce rassemblement citoyen, sachant qu'ils ont un discours un peu institutionnel, quoi? J'entends par là que là, tu parlais tout à l'heure des sujets que vous évitiez d'aborder. Eux, ils sont très à cheval sur la République, sur la laïcité, tout ça. Mais tout de même, de l'extérieur, il apparaît comme étant indépendant de diverses étiquettes partisanes ou syndicales. Alors, même si vous, bah, vous êtes une organisation intersyndicale, est-ce que vous avez des interactions avec ce rassemblement citoyen de Beaucaire? Je ne pense pas, mm-hmm, qu'on a... Oui. C'est-à-dire que sur Beaucaire, c'est dans le Var, c'est ça? Non. Beaucaire, c'est, je crois que c'est dans le Var. Je vais vérifier. Ouais, hein, ouais. J'ai pas envie de dire de bêtises. Je vérifie parce que j'ai inscrit ça sur ma petite feuille. Beaucaire, c'est. Non, c'est dans le Gard. Beaucaire, c'est dans le Gard. D'accord. Oui. Non, mais là-bas, on n'a pas de militants et de relais, je crois. On n'a pas. Quand Visa est présent. Si elle est invitée dans quelque chose de plus large, on peut venir pour faire des actions. Intégrer un rassemblement en tant que Visa, je ne pense pas qu'on l'a jamais fait. Mm-hmm. Hein, bon, on garde notre indépendance. Par contre, oui. Si le rassemblement plus d'autres associations, etc., fait une action, mm-hmm, on n'intégrera pas par sectarisme, parce que notre rôle, c'est pas de se retrouver dans un rassemblement qui prépare les futures élections. Mmh, donc voilà. Si on a des militants, c'est évident que si on a un militant de Visa dans le coin, dans le Gard, peut-être il ira en tant que militant de Visa au sein de ce rassemblement. Mmh. Et puis il dira, bon, la République, d'accord, mais ça dépend quelle République. Exactement. Voilà. Il dira, ouais. On ne dira pas, on n'y va pas parce que c'est l'ancien maire du PS ou un tel. Partout où il peut y avoir de la résistance, s'il ne s'agit pas d'être béni oui-oui, comme je disais, de soutenir une équipe de foot, et qu'il y a des débats et que ça permette de réunir des gens qui vont débattre, qui vont peut-être. Et si on n'est pas dans un cadre sectaire où il y a un chef, il faut suivre. Derrière, comme un seul homme ou comme une seule femme ou une chef aussi. Voilà, moi en tant que militant, si je suis à Beaucaire, il n'y a que ça, j'y vais. Voilà. Et je pense que beaucoup de militants de Visa iraient. Après, est-ce que j'y resterai? Ça dépend si on respecte ma parole, si j'arrive à. Voilà. Donc, c'est. C'est ce que je peux dire, quoi, sur... Oui, non, mais je vois un peu ce que tu veux dire, quoi. C'est l'idée, c'est éviter le sectarisme, mais aussi les compromissions éventuelles, quoi. Oui, c'est que... On peut être dans un truc plus large, mais après, bon, voilà, c'est... Oui. Mais tu parlais de... Avant, je voulais dire... Tu as cité Bocquet... Ah oui, sur l'histoire de la mémoire. Parce oui. que je dis... J'avais... Bon, dans les trois tomes qu'on a fait, il y a la question de l'idéologie fasciste ou de l'idéologie d'extrême droite. Oui. Et on voit que partout, ils avancent leurs pions. C'est-à-dire que l'histoire de la guerre d'Algérie, c'est pas une mince affaire. Non. L'histoire d'Oran, on sait très bien ce qui s'est passé en Algérie. C'est que après ce qui était une guerre, c'était une guerre de libération nationale, oui. ce qu'a fait l'OAS en tant qu'attentat, il n'y a jamais autant de morts en France de terrorisme qu'avec l'OAS. Avant, oui. bon, c'était une guerre de libération nationale. C'est sûr qu'il y a eu des morts. C'est sûr que c'est quand même le peuple algérien qui a eu beaucoup plus de morts dans cette guerre de libération. Et à Oran, ce qui s'est passé, c'était la politique de la terre brûlée faite par l'OAS. Et il y a eu la réaction surtout de la population qui s'est déchaînée contre les Européens. Vraiment faire de distinction et tout le traumatisme en fait. Voilà. C'est ça un peu le problème. Mais donc ce qui a déclenché ça, c'est quand même. Ça veut pas dire que bon, pour les victimes, que oui. c'est sans doute très dur. Ils n'étaient pas tous à l'OS, etc. Bien sûr. Mais pourquoi ils font ça concrètement? C'est que leur contradiction quand même, c'est qu'ils voulaient que l'Algérie reste française et ils ne veulent plus de maghrébins et d'arabes dans notre pays, y compris ceux qui sont français. Mmh. Et avec le vote pied noir, ils sont sur une révision totale du colonialisme. Oui. Et d'ailleurs, ils ont aussi des... Bon, il y a même dans la droite, tous ceux qui disent pas de repentance, etc., qui les soutiennent. Ils ont des idéologues. Bon, on peut parler de Zemmour, mais on peut en parler d'autres aussi. Mm-hmm. Et donc, c'est quand même la guerre d'Algérie, le 19 mars, ceux qui ont été l'affaire, ils étaient contents que ça s'arrête. Oui. Il y a des centaines de milliers d'ouvriers qui sont partis faire la guerre. Qui ont été victimes aussi de cette guerre d'Algérie, même s'ils ont fait des fois subir aux Arabes des choses atroces. Et donc, ça a été un consensus au niveau des accords d'Évian. Ils remettent en cause les accords d'Évian. C'est-à-dire qu'ils remettent en cause le fait que de la légitimité que le peuple algérien s'est libéré du colonialisme. Voilà, et je pense qu'ils ont essayé aussi de changer une rue, je ne sais pas si c'est à Béziers. Mettre le nom d'un ancien général putschiste. Pas général, non. C'était le commandant Élie Denoy de Saint-Marc. Ouais. Et alors en fait, ce commandant, il a participé au putsch d'avril 61, voilà. Avec les quatre, le fameux carteron de généraux, Raoul Salan, Maurice Challe, André Zeller, et le quatrième, c'était Edmond Jouot. Ils avaient fait un coup d'État à Alger. Ils avaient mis de côté le délégué général qui s'appelait Jean Morin. Et effectivement, je crois qu'il l'a fait d'ailleurs, Ménard. Il me semble que je l'avais vu dans le tome 2 de Lumière sur Mer et Brune. Il avait renommé une rue de sa ville. Pareil, il avait changé le 19 mars 62. Pour lui, c'était plus d'actualité. Il avait renommé sa ville en hommage donc au commandant Élie Denoy de Saint-Marc. Donc effectivement, c'est vrai que la question historique au Rassemblement national autour du RN et du coup dans les communes qui sont gérées par ces gens-là, elle est absolument prépondérante. Et il y a aussi à Cogolin où ils ont voulu appeler une place Maurice Barrès. Et en plus, ils disent qu'il était résistant qu'il était, je crois qu'il était pétiniste, jusqu'au bout des ongles. Ils font une offensive absolument. Mais c'est quand même dans l'air du temps parce que au-delà du RN, avec le débat qu'il y a sur les statuts actuellement, si vous ouvrez CNews, etc., tu as des gens qui ne sont pas au RN qui disent le même type d'horreur révisionniste sur l'histoire. Souvent, voilà. Mmh. Et je voudrais dire aussi une chose, c'est par rapport au racisme, c'est que on parle de préférence nationale, mais eux, ils ne disent plus préférence nationale, ils disent, je ne sais plus, ils ont un truc édulcoré. Mais ce n'est pas de la préférence nationale dans les mairies RN, c'est de la préférence de couleur. Mmh. C'est-à-dire que ceux qui stigmatisent quand ils enlèvent une subvention à un club de foot en salle, parce que c'est des jeunes issus de l'immigration des pays coloniaux, c'est des Français issus. Bon, c'est des Français, bon, on va dire, faut dire noirs, arabes, etc. Ouais. Voilà. Mmh. Et c'est à la couleur de la peau. Mmh. Concrètement, c'est du racisme à la... Voilà, c'est pas la préférence nationale, parce que pour eux, ces gens... Ils avaient renommé ils priorité jamais... nationale. Oui, oui, priorité nationale. Mais ils sont priorité nationale. Mais dans le fantasme des électeurs RN et le fantasme que travaillent Marine Le Pen, tous ces politiciens d'extrême droite, des fascistes pour moi, c'est une attaque en règle. Contre des gens qui sont pas européens, qui sont pas eurasiens, quoi, on va dire. Voilà. Et c'est un vrai racisme à couper au couteau, quoi. Oui, voilà. Et en plus, là, c'est vrai que cette question est importante parce que deux choses, hein, grossièrement, et ça, on en a parlé en janvier avec justement Hervé de la Horde qui était venu ici pour la première émission. Effectivement, le Rassemblement National, donc Front National anciennement, a vu le jour, notamment parmi les anciens pieds noirs. Alors, les anciens pieds noirs qui sont restés vraiment ultra, quoi. Hein. Mmh. Bon, il y en a qui se sont rangés et qui n'ont jamais été d'ailleurs du reste spécialement sévères. Mais c'est vrai que voilà, les anciens pieds noirs militants dans le sud de la France, c'était l'électorat et la clientèle principale du Front National, avec d'anciens pétainistes aussi, bien sûr, étant entendu que Le Pen était... Jean-Marie Le Pen était un anti-gaulliste très fervent. Et la seconde affaire, par rapport à l'identité européenne, je mets plein de guillemets à ça, mais je suis obligé de mettre ça sur le tapis. En fait, effectivement, comme en France, les non-européens n'ont pas les mêmes droits que les européens. La nationalité est un facteur discriminant, ça on le sait, mais c'est vrai que, par exemple, pour l'accès à des prestations sociales, il est très clair qu'il y a un marqueur, par exemple pour le RSA, par exemple pour d'autres prestations, oui, l'État applique une discrimination entre européens et non-européens que le RN souhaite amplifier. Hein, ça, c'est très clair. Le RN, il cherche, on le sait, à amplifier les discriminations, mais des discriminations qui existent déjà au niveau de l'État. Mais pour le RN, ça ne suffit pas. Donc après, c'est pas étonnant qu'on ait des attaques au niveau de l'histoire, hein, au niveau des symboles historiques, dans les communes Rassemblement National. Donc là, on l'a vu à Beaucaire avec Julien Sanchez. Alors là, quelle heure il est ? Il est 18h05, on est dans les temps. À Hayange, on va aller à Hayange. Hayange, c'est en Moselle avec Fabien Engelmann. Lui, donc, c'est un maire donc RN, réélu dès le premier tour donc, des élections municipales actuelles, hein, puisque, comme on l'a dit tout à l'heure, le premier tour a eu lieu le 15 mars et le second tour a lieu dans 4 jours. Alors, d'après donc votre livre, hein, Fabien Engelmann est responsable de l'endettement de sa commune à hauteur de 12,7 millions d'euros. Alors, au conseil municipal de mars 2018, il a pourtant expliqué avoir contenu l'endettement. Ainsi, il parle d'une gestion prudente, pragmatique, de bon sens, sachant que la ville, elle prend aussi en charge des honoraires d'avocats qui se situeraient à hauteur de 12 295 et 17 000 euros. Hein, donc, cumulé, ça nous fait... je suis pas très très fort en maths, je n'ai même pas envie de dire de bêtises, donc je vais en rester là. Bon, l'explication, c'est que Engelmann... En fait, il pioche dans les deniers publics à chaque fois que sa ville est poursuivie devant les tribunaux. Et quand est-ce qu'elle est poursuivie devant les tribunaux ? Exemple simple. Depuis 2016, il s'attaque au comité local du Secours Populaire en l'accusant, toujours d'après votre livre, de propagande pro-migrants. Donc dans un premier temps, il lui a interdit l'accès à ses locaux, hein, à ce comité local du Secours Populaire. Il y a fait couper le chauffage, l'électricité. Donc une première fois, le 19 décembre 2017, la mairie a été condamnée par le tribunal de grande instance de Thionville. Une seconde fois, le 21 décembre 2018, par la cour d'appel de Metz. le 31 janvier de l'année, non, le 31 janvier de cette année, il y a une dépêche AFP, c'est la dernière info qu'on ait sur le sujet, qui a été relayée par plusieurs journaux, qui nous apprend que cette même cour d'appel a rejeté le référé déposé par le maire devant le tribunal de Thionville contre le Secours populaire, puisqu'il l'accusait, le maire voulait attaquer le Secours populaire pour occupation illégale de ses locaux. Et donc là, pour le moment, Engelmann y réfléchit apparemment à la possibilité de se pourvoir en cassation. Alors, autre affaire, parce qu'il cumule celui-ci. Fin mars 2019, donc Fabien Engelmann a été mis en examen par rapport à une affaire. Alors, ça peut paraître un petit peu bénin, et un petit peu, mais vous allez voir que ça n'est pas tant que ça. Il a été mis en examen par rapport à une affaire de location de 9 photocopieuses installées dans les écoles de sa commune. On peut croire que c'est pas important, c'est que des photocopieuses. Oui, mais le marché en question, d'après les sources de Visa, donc dans le livre, prévoit la location pendant 21 trimestres, une location de ce matériel-là pendant 21 trimestres pour un peu plus de 100 000 euros. Et alors, les policiers qui ont enquêté sur cette affaire, ils auraient réussi à obtenir un devis par une autre société, que celle qui a fourni les machines, pour un prix moitié moins élevé. Et alors, la société à laquelle donc Engelmann a acheté ses engins, elle est basée au Luxembourg. Mais là, il y a quelque chose. Vous avez peut-être vu, qui commence à dater, le fameux reportage d'Envoyé spécial sur qui fournit le Rassemblement national en équipement. Alors, moi, je me suis demandé si cette entreprise luxembourgeoise, elle n'avait pas un lien avec l'entreprise Riwal de Frédéric Chatillon, qui est donc ancien prestataire du Rassemblement national. Alors, et dans le reportage donc Envoyé spécial sur France 2, qu'on avait vu le 16 mars 2017, Ce Frédéric Chatillon, qui est, pour rappel, un ancien chef du groupe Union Défense, lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il refourguait pour des candidats aux précédentes élections municipales des duplicopieurs, vraiment à un prix exorbitant comparé à leur valeur. Et alors, les journalistes qui avaient investigué par rapport à tout ça, ils avaient retrouvé la trace d'une autre société au Luxembourg, justement, qui, elle, était dirigée par... qui était normalement officiellement dirigé par Nicolas Crochet. Lui, c'est l'ancien comptable du Rassemblement national. Et pour finir tout ça, ce Nicolas Crochet et Frédéric Chatillon, la semaine dernière, ils ont été condamnés par le tribunal correctionnel de Paris. Alors le premier, Crochet, à 40 000 euros d'amende, et Chatillon, 2 ans et demi de prison, dont 10 mois ferme, par rapport à ces histoires de photocopieurs et de sociétés écrans au Luxembourg. Donc on voit que Fabien Engelmann, il a peut-être un lien avec tout ça, ce serait pas très étonnant. C'est la RN connexion, si on peut dire. Donc pour Ayange, il y a la CGT, l'UNSA et le Secours populaire dont on a parlé, qui existent et qui se battent. Alors là aussi, ça n'a pas empêché Engelmann d'être élu dès le premier tour. Alors à Ayange, j'ai pas vu beaucoup de forces qui avaient la capacité de mener la riposte. Alors comment est-ce que, d'après toi, si t'as une idée par rapport à tout ça, c'est possible localement d'attaquer le RN, sachant que, à mon sens, c'est quand même essentiel, tu me diras ce que t'en penses, mais à mon sens, c'est quand même essentiel de montrer que ce parti, le Rassemblement National, même si c'est pas forcément que à lui que ça s'applique, mais le Rassemblement National, ça demeure quand même une entreprise qui est destinée à réaliser des profits, comme on l'a vu avec ces histoires de photocopieuses. Qu'est-ce que toi t'en penses de tout ça, Jean-Paul ? Le slogan du FN, c'était « main propre, tête haute ». Oui. Voilà, bon, c'est évident, c'est ça qui est grave et inquiétant et qui fout un peu les boules, quoi. C'est que concrètement, ils arrivent au pouvoir sur quelque chose, sur une démagogie anti-élite, tous pourris, etc. Et on s'aperçoit que quand ils prennent les mairies, ils font comme certains, parce que je ne dis pas comme tous les autres, parce que toute la classe politique n'est pas corrompue, heureusement, mais même si c'est les contrôles citoyens, ils font beaucoup défaut. Donc ils font même pire que les autres, parce que c'est le clientélisme. C'est je sais qu'à dans beaucoup de municipalités, je ne sais pas si tu vas en parler, ils font venir des gens reclassés, anciens identitaires qui ont fait des sociétés, des sociétés de com, etc. Il y a tout un système Front National, Rassemblement National, pour de l'argent et aussi pour l'enrichissement personnel aussi. Parce que bon, il y a eu aussi des articles sur la direction du Rassemblement National où la carte bleue, pour certains dirigeants, on faisait pas mal péter la carte bleue aux frais du parti. Alors, c'était pas obligatoirement de l'argent détourné, mais toute la démagogie, il y a les gros, les petits, etc. Au RN, en plus, c'est une dynastie familiale. C'est 10 fois pire de ce qu'ils reprochent à certains autres. Oui. Quoi. Voilà. Oui. Donc, Enfin, l'histoire, le gangstérisme politique, c'est une vieille histoire dans le fascisme. Hein. Voilà, c'est sans principe. Les gens n'ont pas de principe. Les autres dérivent, les autres se laissent avoir, les autres. Il y en a aussi sans principe dans les autres partis, mais eux, moi, je pense que c'est systémique. C'est-à-dire que quand on pense. Quand on est organisé avec un chef, des subordonnés, etc., chaque petit chef haillon dans son coin, il se pense en toute puissance. Quoi. Oui. Voilà. Que dans d'autres partis qui ont aussi d'énormes défauts, ça ne marche pas obligatoirement totalement comme ça. Il y a quelques garde-fous, mais je pense que comme c'est un parti très hiérarchisé, très culte du chef, etc., ils se sentent plus. Donc, à un moment donné, il y a le financement du parti, il y a aussi, il se goinfre. Je crois qu'Engelmann aussi, il s'est bien goinfré sur ses indemnités municipales aussi. J'ai pas de précision à ce sujet. En général, ils doublent leurs indemnités, etc. En tout cas, ils les augmentent. Sûr qu'ils n'hésitent pas. Hein. Voilà. Oui, non, mais bien sûr. Mais après, évidemment que leur idée nationaliste et tout ça, elle est un fer de lance. À de l'enrichissement personnel, à l'édification de chefferie. Ça, c'est dans leur ADN, bien sûr. Et c'est vrai que concernant, par exemple, l'état-major du RN de façon un peu plus détaillé, c'est vrai que France 2, par exemple, avait présenté Châtillon, Crochet et Axel Lousteau aussi. Hein, je cite son nom à l'antenne parce que ça, c'est des anciens du groupe Union Défense, hein, le GUD. Alors sur Paris, il est supposé avoir disparu, mais on se rend compte que c'est pas tellement le cas. J'ai pas envie d'aller trop loin, mais en tout cas, c'est vrai que. Ils arrivent quand même à se réorganiser d'une façon générale. Tiens, tu parlais du bastion social, par exemple, tout à l'heure. Alors, Macron a dissous ça l'année dernière, il me semble. Sauf qu'évidemment, ce bastion social qui regroupait, c'était là pareil, hein, c'était surtout le GUD qui se réformait au niveau de l'image. Le bastion social à Marseille et dans les autres villes où il était implanté, c'est-à-dire il y avait Lyon, il y avait Chambéry, Strasbourg. Et une autre ville, me semble-t-il. Enfin, dans ces villes-là. Clermont-Ferrand aussi. Clermont, c'est possible. En fait, dans ces villes-là, il y a d'autres associations qui ont pris le relais, qui sont des associations qui ont exactement la même idéologie que le bastion social, qui fonctionnent selon les mêmes principes, mais effectivement qui ne fonctionnent plus selon la marque, on peut dire ça comme ça, bastion social, parce que la dissolution ne leur permet plus de faire ça. Le bastion social, ici, on n'en a pas tant parlé que ça, parce qu'on n'a pas pu. Hein, notre première émission, on l'a faite au mois de janvier. Donc, en janvier dernier, le bastion social avait déjà été dissous. En fait, ce serait, à mon avis, excellent que on fasse le point sur tous les groupements qui ont pris la suite de ce bastion social dans les différentes villes dans lesquelles il était implanté. Alors, sachant que à Paris, le bastion social n'a pas existé. Par contre, je suis obligé d'aborder très vite fait ce sujet-là. Le GUD actuellement sur Paris, c'est des anciens du GUD, c'est notamment les Zouaves. Les fameux Zouaves Paris, ceux-là, effectivement, c'est de l'ancien Gudard, et pas forcément uniquement. Ça, c'est un peu la, je veux dire, la nouveauté, en tout cas le facteur actuel, quoi. C'est-à-dire qu'ils arrivent à unifier, regrouper, au-delà des étiquettes un peu anciennes, hein, donc GUD d'un côté, Action française de l'autre, cocarde d'étudiants par-ci, génération identitaire par-là, eux, vraisemblablement, ils arrivent à unifier un petit peu tout ça sous une bannière commune, le nationalisme et bien d'autres choses. Avec l'Action française aussi. Ouais. Oui, l'Action française, Action française, cocarde étudiante, GUD, génération identitaire, et même des fois quelques anciens, enfin quelques personnes du Front, alors du FNJ, le Front National de la Jeunesse, qui ne s'appelle plus comme ça. Aujourd'hui, ça s'appelle Génération Nation. C'est une information à connaître. Et effectivement, voilà, ils arrivent à dépasser un peu toutes ces étiquettes-là pour vraiment unifier et surtout attaquer. Hein, parce que c'est un groupe violent qui assume pleinement sa violence et son fascisme. Ça, c'est très clair. Il y a absolument aucune ambiguïté sur le sujet. Et ce sont, voilà, ça fonctionne plus ou moins selon une logique de bande. Hein, ça, et effectivement, voilà, eux, ils sont dans l'action de rue, la violence pure et simple, en fonction de leur idéologie. Le GUD, on sait très bien ce que c'est. Hein. Mais je voudrais rajouter sur. Avant, quand les ultras, plus encore à droite que le RN, ils disaient oui, ils ont trahi, ils sont trop mous, etc. Ce qui est inquiétant actuellement, c'est même après l'interview des identitaires qui ont mis la banderole à République, c'est qu'ils disent le Rassemblement national, c'est très bien, c'est politique, mais nous, on fait autre chose. C'est-à-dire, ils se présentent un peu comme l'organisation de jeunesse du Rassemblement national. Oui. S'il y a quelque chose de comme ça, en plus avec des soutiens absolument incroyables, quand on a regardé CNews, ils disaient tout ça, oh, c'est super ce qu'ils ont fait, etc. pour moi, bien sûr, Action française, c'est des royalistes, mais pour moi, ils sont très proches du néo-nazisme. Voilà, parce que il y a sur les identitaires, hein, parce que tout ça, c'est la même mouvance, ça groupe pareil. Il y a Ouzoul, là, sur Mediapart, ils ont fait un YouTube, là, qui est très bien fait, où ils vont... remettent un reportage à caméra cachée de Al Jazeera. Et ils montrent bien que c'est... à Hitler, pour rigoler, pas vraiment, obligatoirement au bout de 10 bières, hein, une bière ça suffit. Voilà, donc c'est quand même quelque chose d'assez inquiétant. C'est assez inquiétant parce que la riposte est pour l'instant faible, mais ça peut se retourner. Moi, j'ai quand même espoir que ça peut se retourner. Ce qu'ils ont fait Place de la République, alors que c'était assez extraordinaire, la manifestation là, pour Assa Traoré. Les jeunes qu'il y avait, c'était leur première manif. Ils n'étaient pas très politisés. Ils venaient de banlieue, des Noirs, des Maghrébins qui subissent vraiment la discrimination et le racisme et qui étaient là dans leur première prise de conscience politique. C'est-à-dire première réaction parce qu'ils ont des consciences politiques, mais ils se sont dit on peut quand même faire quelque chose. Et ils jouent avec le feu, les identitaires, parce que je pense que cette mouvance, ces jeunes, sur l'Antifa, c'était pas leur truc. Je vais dire, c'est presque une histoire entre blancs, quoi. Et que là, ils ont vu la banderole. C'est que concrètement, quand ils apprennent que la police vote très, très majoritairement au Front National, que les identitaires viennent les narguer, etc., il y a aussi un travail antifasciste à faire et qui doit se développer sans sectarisme de la part de nous. Nous, on est vieux, c'est difficile, mais même y compris des antifas, etc., avec beaucoup de patience pour que cette population, qui est la première visée par en cas d'arrivée au pouvoir de l'extrême droite, elle aussi se défende et pratique... pratique sa défense politiquement et plus s'il ne faut, quoi. Bien sûr. Et donc, il y a eu des périodes où les fachos étaient très forts, comme ça, pardon, et il y a eu des basculements. Nanterre, en 68, au mois de mars, il faut savoir que c'est la corpo de droite qui tenait la fac. Oui. Et à un moment donné, ils ont été trop loin. Il y avait Occident à l'époque, non ? Oui, oui. Ils étaient ouais. Ils étaient pas majoritaires, les Cohn-Bendit et tout ça, hein, en dehors de ce qu'ils sont devenus. Hein. Non, mais ils n'étaient pas majoritaires. Oui. Et il y a eu un basculement, parce qu'à un moment donné, dans la jeunesse, les gens, ils ne sont pas naturellement fachos, quoi. Oui. Soit ils ont peur, soit ils s'en foutent. Mais à un moment donné, ils peuvent dire « c'est stop ». Et je pense, les identitaires, je ne pense pas qu'ils ont obligatoirement une autoroute. Ils tiennent que parce que pour l'instant, la riposte n'est pas assez forte. Mais elle peut venir à un moment donné. Et je pense que ce qui se passe autour du comité Adama Traoré, autour du MIB, c'est aussi un espoir. Tu remontes loin, le MIB. Non, le MIB, bon, c'est le des MIB. Anciens du MIB mais oui. qui travaillent. Bon, j'ai lu l'article de Libé là. Voilà, c'est autour de ceux qui travaillent dans les banlieues, sur toutes les histoires de discrimination et de violence policière. À un moment donné, la conscience antifasciste, elle va être nécessaire. Mmh. Elle va être nécessaire et je pense qu'elle commence à avancer parce que je pense que ça les a amusés. Ils sont contents d'avoir mis la banderole, mais ça peut leur coûter quelque chose au niveau de la riposte et de cette conscience que peut avoir les jeunes de banlieue, les jeunes des cités. Que ce qu'est vraiment le fascisme, c'est pas seulement des petites bagarres et de l'histoire. Ah, c'est clair. Quelque chose qui les met en danger et va bien falloir qu'ils ripostent et qu'ils se défendent. Oui, parce que effectivement, alors moi mon sujet de préoccupation principale, c'est par exemple la place que les idées, par exemple de génération identitaire peuvent occuper. C'est les idées de génération identitaire, comment est-ce qu'elles peuvent être présentes dans les forces de l'ordre, par exemple. Ça, pour moi, c'est clair que c'est un sujet de préoccupation qui est de première importance. Après, génération identitaire, d'après ce que je connais sur Paris, et même au niveau national, c'était plus ou moins en friche ces derniers temps. Ils faisaient vraiment pas grand-chose. Alors, sur Paris, ils avaient un de leurs chefs qui s'appelait Pierre Larty, par exemple. Lui, le Rassemblement national l'a coopté. Donc, du coup, aujourd'hui, d'après le documentaire d'Al Jazeera, effectivement, il est dans l'organigramme, en tout cas, du RN. Et pareil pour Aurélien Verracel, qui est le chef du fameux bar La Citadelle, à Génération Identitaire Lille. Lui, pareil, d'après ses propres propos, dans le documentaire, ils ont été filmés à leur insu, je rappelle. Hein, mais effectivement, lui explique travailler aussi pour le RN, parce que alors ils ont des postes, mais c'est des postes fantoches, on dirait des emplois fictifs, quoi. C'est vraiment chargé de communication, etc. Enfin, bon, en gros, ils font du tractage entre le parti et l'extérieur, quoi. Mais c'est vrai que là, on a Génération Identitaire sur Paris, on a les Zouaves, par exemple, l'Action Française qui est toujours très présente, la cocarde étudiante dont on a parlé dans cette émission au mois de février. Donc, c'est vrai que cette multiplication de groupes et d'organisations autour d'idées nationalistes et autoritaire, effectivement, pose un problème de première importance. C'est pour ça qu'on fait cette émission. Mmh. On fait cette émission, d'une part, pour informer, de deux, pour proposer des solutions, et puis de trois, pour s'investir aussi. Alors, évidemment, ici, on fait très attention. Là, on t'a donné ton nom. Je ne sais pas si c'est vraiment le tien, et je m'en fiche complètement, d'ailleurs. Moi, je ne donne pas le mien. Évidemment, je fais très attention, parce que on prend ses précautions. Néanmoins, on est là, on est sur le terrain, on prend nos responsabilités. Alors, il est 18h24, on va rester ensemble pendant encore 3-4 minutes, sachant qu'à 18h30, vous avez rendez-vous avec l'émission Femmes Libres sur Radio Libertaire. On va finir en parlant d'Hénin Beaumont. Parce que là-bas, c'est Steve Briouat qui tient la mairie, réélu dès le premier tour aux actuelles élections, du coup municipales. C'est aussi le vice-président du Rassemblement National. C'est un ancien député européen. Et alors, le 6 juillet 2018, le conseil municipal a décidé, sans surprise, un durcissement de la gestion des personnels de la mairie en contrôlant plus sévèrement les arrêts maladie sur recommandation d'un outil qui est hors système, c'est la Cour régionale des comptes, rien à voir avec les institutions sur lesquelles il tape allègrement. Alors, pour sa rentrée politique le 8 septembre dernier, Marine Le Pen en personne est venue à Hénin Beaumont lors de la braderie qui se tient dans cette ville. Elle avait annoncé à cette occasion que le RN combattrait l'ensauvagement de la société, l'immigration incontrôlée et que le thème principal de sa campagne pour les municipales serait la sécurité. Ça, c'est encore une thématique qui revient très souvent. souvent chez ces gens-là. Alors, dans cette ville, il n'y a pas beaucoup de formations pour venir à bout de Steve Briwa. Ma question est simple, ce sera la dernière de cette émission. Est-ce que tu penses que localement, le RN a définitivement gagné la partie, Jean-Paul ? Dans le Nord, c'est l'endroit où... Bon, il y a un RN du Sud, un RN du Nord. Le RN du Sud, bon, c'est beaucoup le racisme, la préférence nationale. Le RN du Nord, c'est sur les ruines de la désindustrialisation avec le programme social. Il se trouve que dans le Nord, ils pensaient prendre Lens, ils pensaient prendre Bully-les-Mines, ils pensaient partout où le Marine Le Pen avait fait plus de... presque 50% au plus, ils n'ont pas eu les mairies. Stirbois, c'est très particulier. Donc Steve Briwa. C'est autre chose. Oui, lui, c'est... Oui, je sais bien. Il est mort. Oui. Voilà, donc... Non, mais voilà. Donc, lui, c'est quand même particulier. C'est une vieille histoire. C'est d'énormes conneries, pour ne pas dire plus, qu'avaient fait les partis de gauche au pouvoir, des détournements, etc. Une intelligence, c'est perverse, mais une intelligence sur le côté social. Il est capable de fêter le 8 mai 45, de mettre... Enfin, il est capable aussi d'accuser ses opposants d'homophobes sous prétexte qu'il est homo. Je ne sais pas, il est resté 20 ans. Il va peut-être gicler, mais on n'en est pas sûr. Non, il est arrivé au premier tour des élections. Ouais. Il n'a pas été réélu, mais vraisemblablement... C'est une triangulaire, je crois, ou je ne sais pas. Bon, on verra. Toujours est-il que, lui, il est bien parti. Mais il y a des gens extrêmement courageux. Hein. Bon, je voudrais parler de la conseillère... Marine Tondelier, je crois, qui fait un super boulot, mais c'est très très dur de vivre ça au quotidien et de rester dans la ville. Donc chapeau ceux qui restent et qui se battent, quoi. Ouais, je pense qu'on peut leur dire ça. Alors, pour nous, l'émission est terminée, hein, parce qu'il est 18h28, on va libérer les locaux. Prochaine émission pour nous, mercredi 22 juillet, hein, toujours de 17 à 18h30 sur Radio Libertaire, 89.4 FM en Ile-de-France ou sur radio-libertaire.net. Merci de nous avoir écoutés. À bientôt et d'ici là, bon courage, bon combat bonne résistance. Je préfère dire bonne écoute des programmes sur Radio Libertaire. À la prochaine. Salut.